La Bible David Martin 1855. Les Actes, des Saints Apôtres. Actes chapitre 1. Nous avons rempli le premier traité, ô Théophile, de toutes les choses que Jésus a faites et enseignées, jusqu'au jour qu'il fut élevé au ciel, après avoir donné par le Saint-Esprit, ses ordres aux apôtres qu'il avait élus, à qui aussi, après avoir souffert, il se présenta soi-même vivant, avec plusieurs preuves assurées, étant vu par eux durant 40 jours, et leur parlant des choses qui regardent le royaume de Dieu. Et les ayant assemblés, il leur commanda de ne partir point de Jérusalem, mais d'y attendre l'effet de la promesse du Père, laquelle, dit-il, vous avez ouï de moi. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit, dans peu de jours. Eux donc étant assemblés, l'interrogèrent, disant, Seigneur, sera-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Mais il leur dit, ce n'est point à vous de connaître les temps ou les moments qui ne dépendent que de mon Père. Mais vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous me serez témoins, tant à Jérusalem qu'en toute la Judée, et dans la Samarie, et jusqu'au bout de la terre. Et quand il eut dit ces choses, il fut élevé au ciel, eux le regardant, et une nuée le soutenant, l'emporta de devant leurs yeux. Et comme ils avaient les yeux arrêtés vers le ciel, à mesure qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes en vêtements blancs se présentèrent devant eux. Qui leur dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été élevé d'avec vous au ciel, en descendra de la même manière, que vous l'avez contemplé montant au ciel. Alors ils s'en retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée la montagne des Oliviers, qui est près de Jérusalem le chemin d'un sabbat. Et quand ils furent entrés dans la ville, ils montèrent en une chambre haute, où demeuraient Pierre et Jacques, Jean et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques fils d'Alphée, et Simon Zélote, et Jude, frère de Jacques. Tous ceux-ci persévéraient unanimement en prière et en oraison avec les femmes, et avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Et en ces jours-là Pierre se leva au milieu des disciples, qui étaient là assemblés au nombre d'environ 20 personnes, et il leur dit, « Ô frères, il fallait que fût accompli ce qui a été écrit, et que le Saint-Esprit a prédit par la bouche de David, touchant Judas, qui a été le guide de ceux qui ont pris Jésus. Car il était de notre corps, et il avait reçu sa part de ce ministère. Mais s'étant acquis un champ avec le salaire injuste qui lui avait été donné, et s'étant précipité, son corps s'est crevé par le milieu, et toutes ses entrailles ont été répandues. Ce qui a été connu de tous les habitants de Jérusalem, tellement que ce champ-là a été appelé en leur propre langue, Aceldama, c'est-à-dire, le champ du sang. Car il est écrit au livre des psaumes, que sa demeure soit déserte, et qu'il n'y ait personne qui y habite, et, qu'un autre prenne son emploi. Il faut donc que d'entre ces hommes qui se sont assemblés avec nous, pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu entre nous, en commençant depuis le baptême de Jean, jusqu'au jour qu'il a été enlevé d'avec nous, quelqu'un d'entre eux soit témoin avec nous de sa résurrection. Et ils en présentèrent deux, savoir Joseph, appelé Barsabba, qui était surnommé Juste, et Matthias. Et en priant ils dirent, « Toi, Seigneur, qui connais les cœurs de tous, montre lequel de ces deux tu as élu, afin qu'il prenne sa part de ce ministère et de cet apostolat, que Judas a abandonné, pour s'en aller en son lieu. » Puis ils les tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui d'une commune voix fut mis au rang des 11 apôtres.